Vous suivez la radio Isanganiro et merci pour votre fidélité. Voici le journal à langue française dont voici tout d'abord les principales articulations. Les élus du peuple s'inquiètent de l'octroi d'un don de 153 millions de dollars américains pour la construction du barrage hydroélectrique de Djidjimurenge lors de la présentation du projet de loi portant sur ce don ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Énergie et Mines leur a tranquillisé. C'est aujourd'hui que devrait commencer l'expulsion des mendiants et des enfants de la rue. C'est après l'ultimatum donné par trois ministères, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de la Solidarité. Et à Karoussim, on parle d'Union libre qui demande la prolongation de la période de régularisation de leur Union libre. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal qui vous sera présenté par Elini Beni Bigraem, Toussaint Mitevoutia sur la mise en onde. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, la Chambre basse du Parlement a approuvé ce jeudi le projet de loi portant de plus de 153 millions de dollars américains destiné à construire le barrage hydroélectrique de Djidjimurenge. Même si ces députés ont approuvé ce projet de loi, certains ont émis leurs inquiétudes sur l'octroi de ce don en grande partie promis par les Occidentaux qui ne sont pas en bon terme avec le gouvernement burundais. Même le ministre en charge de l'énergie et des mines, qui était à l'hémicycle de Kigobe pour défendre ce projet de loi, a tranquillisé ses députés. Les détails avec Evariste Ndikobanyang. Pour que les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Djidjimurenge soient effectifs, le ministère de l'Énergie et des Mines a besoin de 270,40 millions de dollars américains. Les amis du Burundi ayant déjà promis un don de plus de 153 millions de dollars américains, les membres de la Chambre basse du Parlement ont soulevé des inquiétudes sur le décaissement de ce don au moment où les relations diplomatiques entre le Burundi et l'Occident ne sont pas au bon fixe. Le député Leonidas Mukeshimana est parmi ces élus du peuple. Ce don que nous allons approuver nous a été accordé par les pays de l'Union européenne. C'est au moment où nous sommes dans des sanctions que ces pays nous ont infligées injustement. J'aimerais demander au ministre si ce don sera décaissé et si ces sanctions sont déjà levées. Le ministre en charge de l'énergie et des mines, qui était à l'Assemblée nationale pour défendre ce projet de loi, a tranquillisé ses députés inquiétés en ces mots. J'aimerais vous dire que ce projet a été conclu avant que ces sanctions sur le Burundi ne soient prises. Je précise ici que ce n'est seulement l'Union européenne qui finance ce projet. Il y a d'autres financiers. Je vous ai dit que l'Union européenne ne donnera que 36 millions de dollars, y compris l'argent que la Banque mondiale va utiliser pour construire ce barrage qui va coûter plus de 270 millions de dollars. C'est pourquoi il y a d'autres conventions entre les partenaires portant nos retraits du projet. C'est un projet qui doit continuer. Pour la construction du barrage hydroélectrique Djidjimurenge, la Banque mondiale a promis 100 millions de dollars américains. La Banque européenne d'investissement a promis 95 millions de dollars américains. L'Union européenne a promis 36,60 millions de dollars américains. La Banque africaine de développement a promis 22 millions de dollars américains. Le gouvernement du Burundi a promis 14,30 millions de dollars américains et la Régie des eaux 2,50 millions de dollars américains. 103 députés, dont cette procuration, ont approuvé en unanimité ce projet de loi portant accord de financement relatif au projet hydroélectrique de Djidjimurenge. Merci Evariste Ndikobanyang. Page gouvernance, l'organisation Parsem, parole et action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités, déplore le manque des documents pour les programmes d'investissement public dans une conférence de presse de ce vendredi lors de la présentation de son rapport du premier trimestre 2018 portant sur la gouvernance économique et budgétaire. Le président de cette organisation ajoute que la loi budgétaire ne suit pas ces documents. Fautan Dikouman explique que l'instabilité budgétaire entraîne l'instabilité politique. Suivez-le. L'organisation PARSEM a sorti son rapport d'observation de la gouvernance économique et budgétaire. Dans ce rapport, d'abord, l'absence de développement économique. Jusqu'actuellement, on doit constater qu'il y a l'absence du document de référence de vision du développement. La réforme du budget programme se fait toujours attendre. Ça veut dire que les documents importants, les outils de gestion comme le PIP, le programme d'investissement public, le cadre de passage à moyen terme sont encore inopérants. Le partenariat public et privé n'est pas encore parvenu à faire sa valeur ajoutée. On a créé une zone économique spéciale sans effet. Le constat est même, par exemple, le marché central de Bujumbura. Bientôt 5 ans, on nous dit qu'à chaque année, chaque début d'année, on nous dit que la réflexion est proche. L'assainissement des entreprises publiques aujourd'hui, il y a des difficultés, notamment comme l'on a terme. Au niveau de l'espace budgétaire, on déploie encore une fois que, à travers la finances, le ministre des Finances garde l'attitude d'accorder des exonérations à des entreprises dites stratégiques. L'endettement, la planche à bière banque centrale qui continue avec un stock donc qui n'est pas encore apuré. L'assèchement des capitaux ici sur place. Je dois dire que s'il n'y a pas un changement de cap, vraiment la gouvernance économique, budgétaire n'est pas de nature à nous projeter dans un avenir meilleur. Et je dois vous dire qu'actuellement, l'instabilité économique fait toujours le lit de l'instabilité politique dans un pays déjà plongé dans une crise politique comme la nôtre. Faustin Dikoumana, il est président de la PARSEM, page environnement. Le deuxième vice-président de la République met en garde ceux qui ont attribué des parcelles dans l'espace qui était réservé à l'aménagement du bassin d'écrêtement à Boutelele, que des mesures seront prises à leur égard. Joseph Boutoulé l'a dit ce jeudi lors de la descente sur terrain sur le site de Kigalamango, en commune Mutimbuzi, où il a salué la clairvoyance des autorités à la base qui ont dénoncé ceux qui ont voulu s'accaparer des terres de l'État. Je vous propose de l'écouter. Qu'on se rassure que le cadre légal à la matière a été complètement observé. Je demanderai aux responsables administratifs à la base de continuer à faire ce qu'il faut déjà ici, c'est-à-dire de rester vigilant et de dénoncer d'aventuriers qui viendraient se substituer aussi de l'État en organisant des travaux d'aménagement ou alors en cherchant à escroquer les demandeurs de parcelles. Des parcelles ont été octroyées à Boutelele dans un espace qui devrait abriter un bassin d'écrètement. Est-ce que vous connaissez cette question? Qu'est-ce que vous comptez faire? La question nous est connue, même si on ne maîtrise pas encore tous les contours. On fera ce qu'on est en train de faire ici. On va visiter le site pour recevoir toutes les informations nécessaires. Et si jamais il y a l'un ou l'autre qui aurait passé à côté de la loi, les mesures appropriées seront prises. Et d'autres constructions ont été édifiées sur les rives du lac Tanganyika. Et le ministère de l'Environnement a dit que bientôt ces constructions seront détruites. Qu'est-ce que vous en dites? Je précise que je suis ici pour également soutenir les décisions prises par le ministère de l'Environnement dans ce domaine. La réponse est réelle ou complète se trouve dans le code foncier et ses textes d'application. Il y a des mesures, il y a des distances à observer pour pouvoir ériger une construction par rapport au lac Tanganyika. Si vous passez par des méandres pour obtenir des papiers qui vous permettent d'y construire quelque chose, c'est-à-dire que vous ignorez sciemment la loi, mais cette loi, demain après-demain, viendra vous frapper. Joseph Boutoulé, il est deuxième vice-président de la République. On va marquer une pause et on va revenir pour parler des droits de l'homme. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page droits de l'homme à 13h06. La police de Lumonge, en collaboration avec les organisations œuvrant dans le domaine de la protection des enfants opérant en Lumonge, tels FVS, CDFC, Croix-Rouge, Terre des Hommes, a appréhendé 69 enfants dans les rues de Lumonge ce vendredi matin. Ces enfants de la rue ont été rassemblés au bureau de la FVS, Amad de Burundi. Antennes Lumonge devront ensuite être remis à leurs familles respectives, selon Célestin Nitanga, administrateur communal de Lumonge, qui informe que tout a été préparé pour la réussite de ce projet gouvernemental. Des mesures d'accompagnement pour le retrait définitif des mendiants et des enfants de la rue sont nécessaires pour l'efficacité du projet du gouvernement. C'est ce que propose le secrétaire général de la FENADEB, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi. Ferdinand Simbaruhije le dit après une décision sortie conjointement par trois ministères dont le ministère de l'Intérieur, qui met en garde les mendiants qu'ils doivent quitter les rues jusqu'à ce jeudi 19 avril de l'année en cours. Il apprécie la mesure prise, mais demande le respect des droits de l'homme et de l'enfant. Suivez-le. Politique de retrait des enfants, des travailleurs de riz et des mendiants. À notre avis, c'est une politique qu'il faut vraiment soutenir. Nous avons profité de cette occasion pour demander aux organisations membres de la fédération de donner chacun sa contribution pour que vraiment cette politique puisse réussir. Nous demandons aux autorités habilitées, nous demandons à ce que tout ce qui va être fait soit fait, c'est-à-dire que tout au long du processus de retrait de ces enfants, et qu'il n'y ait pas de violation des droits de l'enfant. Voilà, donc c'est ce que nous demandons au niveau de la fédération. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas voir encore ces enfants qui retournent encore dans les villes? Et comme c'était passé dans les derniers jours. Pour que vraiment ils puissent rester chez eux, il faut penser à des projets, des projets d'autonomisation des familles. Et on pourrait voir des projets qui puissent, aider les familles à avoir de quoi manger pour ces enfants. Pour l'enfant, qui est parti parce que chez eux, il n'y avait pas de quoi manger. S'il y a des projets de développement, des projets d'agriculture ou d'élevage chez eux, peut-être que l'enfant n'aurait plus de raison de courir à la rue. Il y a évidemment d'autres projets qu'il faut aussi penser. Notamment et pour les enfants qui peuvent encore une fois retourner à l'école, il faut vraiment des projets qu'il faut vraiment faciliter l'insertion scolaire. Page de sécurité à présent, un détenu a été fusillé, notre rattrapé à 6h15 du matin ce vendredi lors de leur tentative d'évasion de la prison centrale de Lumonge d'Ité Kumulemge, OPSA 1 de l'ancien manière qui est le commissaire provincial de la police à Lumonge, qui donne son bilan, informe que la personne tuée avait été condamnée à perpétuité pour vol qualifié suivi de violences ayant entraîné la mort. Deux personnes ont été blessées après avoir été tabassées la nuit de ce jeudi par des inconnus armés de machettes au quartier 2 de la zone Gagara. Les victimes indiquent que ce sont des bandits qui venaient pour vol et le font savoir que ces cas de vol sont étranges dans cette zone et demandent aux administratifs de renforcer la sécurité dans ce quartier. Reportage d'Ornella Mucho. Ce cas de vol avec des machettes s'est produit en Gagara quartier 2. En arrivant à cet endroit, du sang a été versé chez une personne qui a été blessée à coups de machette. Cette maman dit que ces personnes ont brusquement foncé la porte de sa chambre pour entrer. J'étais au lit, soudain, j'ai entendu la porte de ma chambre pousser et puis les voleurs se sont introduits dans ma chambre. J'ai crié et ils m'ont frappé fort. Et c'est pourquoi je voulais une assistance médicale. Celle-ci indique qu'elle a failli être blessée par machette lorsqu'elle allait intervenir chez sa voisine. Nous avons été réveillés à 2h du matin par téléphone de notre voisin, nous disant qu'une vieille maman est en train d'être étranglée. Quand nous sommes réveillés, nous avons vu un groupe de personnes avec des torches. Ce groupe nous a lancé une machette qui est tombée par terre. En fuyant, ils ont blessé une domestique à coups de machette. La chef de zone, Ndikuriyo Imerda, demande aux habitants d'Ongagara de mettre des lampes d'éclairage sur toutes les clôtures. La dernière fois que j'ai entendu ces histoires des machettes, c'était à Kanyosha. Mais comme c'est déjà arrivé chez nous, soyons vigilants et concentrés avec la police pour renforcer le comité mixte de sécurité. L'urgence est de sensibiliser la population que c'est nécessaire que chacun éclaire devant chez soi afin que si quelqu'un approche, on puisse le voir de loin. Ces victimes disent que ces cas de vol réapparaissent après que les positions militaires ont été retirées à cet endroit et demandent aux administratifs une réunion de sécurité. Ornella Mucho, à qui je dis merci. Et page politique, le bureau provincial du parti Rana Kalumonge dit être inquiété par l'arrestation et la rétention de ses deux membres dès l'après-midi de ce lundi en commune Wuyengele de la province Lumonge. L'administration locale, la CBI, accuse ces deux hommes d'enseigner le vote du non-référendum constitutionnel de mai prochain. Le bureau provincial de son parti estime tardive la présentation des preuves, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? 4 jours après que Norbert Nzoyihaya, représentant communal du parti Ranak à Buyengero, et Gwasa Zakari, secrétaire collinaire de ce même parti à Sebeyi, sont retenus à la police, Kalfani Juma Eric Nizigimana, représentant provincial du parti Hanaka Rumonge, trouve qu'il est urgent que des témoins à charge se présentent pour que la vérité éclate au grand jour. Je trouve que la situation n'est pas normale parce que comment passer 4 jours sans être interrogé, hein? Alors, s'il y a les preuves, il y a les gens qui témoignent que ces gens étaient en train de dire à la population le oui ou le non, qu'ils viennent, qu'on n'emprisonne pas les gens comme ça parce que 4 jours, c'est beaucoup. Alors qu'ils ont les familles, ils ont besoin de regagner les familles, ils ont besoin de regagner le travail. Norbert est un enseignant. Solidaire politique qui regrette le traitement inhumain infligé à Gwasa Zakari lors de son arrestation fait savoir qu'une intolérance politique s'installe de plus en plus et c'est dans ces conditions que les instances judiciaires et policières devraient faire preuve de maturité et d'impartialité dans le traitement de ce genre de cas. Alors que l'administration collinaire de CBI informe que ces 2 personnes arrêtées ont enseigné à la population de voter non au prochain scrutin référendaire, le représentant provincial du parti Ranak Arumongue indique que ces 2 membres du Ranak distribuer des cartes comportant les insignes de ce parti dans l'objectif de bien se préparer aux échéances de 2020. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago depuis Rumonge au sud du pays. Et cette fois-ci, à Karusim, le gouverneur, pour parler de la société, le gouverneur et les administrateurs communaux de la province Karusi demandent la prolongation de la période de régularisation des unions libres. Kalini Mbarushimana, la gouverneure de cette province, a demandé au président du Sénat son intervention lors de sa visite dans la province, dans cette province jeudi. C'est au moment où 27% des couples d'union libre n'ont pas encore été régularisés dans cette province de Karusi. De Karusi, Blaise Pascal Kalarumi. La province de Karusi enregistre encore 2875 familles issues d'unions libres. Cela constitue 27,13% des unions libres qui étaient recensées dans cette province, soit 9 994 familles qui devraient régulariser leur mariage au plus tard le 31 mars du passé. Comme l'indique le rapport de la province, 7 283 familles ont pu régulariser leur mariage durant cette période de dérogation spéciale et certaines communes, comme Guio Gazier et Gitaramuka, ont même dépassé l'effectif préalablement recensé jusqu'à arriver à 107 et 109%. Cependant, dans certaines communes, il est resté beaucoup d'unions libres, comme le confirment les administratifs sur place. C'est notamment dans la commune de Wujiga qui enregistre encore 1169 unions libres avec un taux de régularisation de mariage de 59,7%. Et Amutumba, qui est la dernière commune, elle enregistre un taux de régularisation de 57,1%. Présenté ce jeudi au président du Sénat en visite dans cette province d'Okarusi ce même jour, la gouverneure Kalini Mbarushimana et les administrateurs communaux de la province sur place a demandé son intervention pour qu'il y ait une autre période de régularisation de mariage de ces unions libres qui restent dans la province. Ces autorités administratives expliquent qu'elles continuent la sensibilisation de la population pour qu'elles puissent comprendre le bien fondé d'un mariage légal. À cette haute autorité, le gouverneur lui a aussi demandé le changement de la loi quitte à ce que le mari puisse choisir la première femme au lieu de choisir la plus jeune comme il le souhaite. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kalarumie pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal de Karusi. Rendons-nous à Ngozi pour toujours parler de la société. Près de 1000 rapatriés burundais ont été accueillis ce jeudi à Kobero, à la frontière burundo-tanzanienne. Ils proviennent du camp d'Onduta en Tanzanie. 500 rapatriés sont déjà à Songoré en commune Kiremba d'Ngozi, en attendant leur réintégration sociale dans leurs familles respectives. Apollinaire Muzagar. Bon nombre de ces rapatriés sont originaires de la commune du Terani, de la même province Muying. Le premier convoi de ces Burundais a amené presque la moitié des 1000 personnes attendues au centre de transit de Songoré, en commune Kiremba, de cette même province Ngozi. Les autres ont attendu au centre érigé à la frontière burundo-tanzanienne à Kober, seront aussi acheminés après à Songoré. La raison, la faible capacité d'accueil de ce centre de transit de Songoré, qui ne peut pas abriter en même temps 1000 personnes, indique des sources sur place, vu que tel le problème de formulaires d'identification qui sont retournés en Tanzanie pour certains de ces rapatriés. De ces rapatriés se trouvant à Songoré, les premiers devraient être acheminés chez eux l'avant-midi de ce vendredi. Tant que ces formulaires arrivent, les Burundais de la province Muyinga vont recevoir un leur permettant de vivre durant ces jours-ci, où ils seront acheminés chez eux, précise toujours les mêmes sources. Vous saurez que bon nombre de ces rapatriés disent être très contents de regagner leur famille. De la commune Kiremba en province Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganiro. Merci Apolline. Avant de clore ce journal, parlons du sport. Quatre équipes qui joueront les demi-finales dans le championnat de CECAFAM des moins de 17 ans qui se déroule au Burundi seront connues aujourd'hui. Le Burundi a peu de chances pour arriver en demi-finale car il doit nécessairement encaisser plus de 4 buts dans le match qui va affronter avec l'Éthiopie cet après-midi au stade Ingoma de Gitega. La Somalie, pour continuer le championnat, a besoin de l'égalisation dans le match qui va jouer avec le Kenya au stade Mucho de Muyinga. Les détails avec Balan Habyarimana. Les Inambas Murugamba doivent impérativement gagner le match de cet après-midi à 15h au stade Ngoma de Gitega face à l'Éthiopie pour espérer jouer les demi-finales programmées mercredi prochain. Pour arriver donc à cet exploit, les poulains de Bati Vivier devraient remporter le match sur un score de plus de 4 buts. La Somalie qui joue contre le Kenya à 15h au stade Mucho de Muyinga a besoin d'un match nul pour jouer les demi-finales. Dans le groupe A composé du Kenya, du Burundi, de l'Éthiopie et de la Somalie, le Kenya vient en tête avec 4 points plus 4 buts, suivi de la Somalie avec 4 points et 2 buts. L'Éthiopie occupe la 3e place avec 1 point et moins de 2 buts. Et enfin, le Burundi qui occupe la 4e place avec 1 point et moins de 4 buts. Depuis Gitega, Bana Habyarimana pour la radio Isanganiro. Merci Balan Habyarimana, ici s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Toussaint Mitebouti pour sa parfaite collaboration technique. Elini Benibigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.